الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بحول الله عز وجل نواصل مع الشرح سوره الملك avec l'explication de la sourate الملك la royauté سوره 67 وبالله التوفيق. On avait expliqué le premier verset coranique. يقول جل وعلا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Avec une traduction du sens, béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut, il est capable de toutes choses. وهو على كل شيء قدير تبارك الذي béni soit celui. Et on a parlé sur al-baraka. تعريف البركة, la définition de البركة لغة et ici وشرعا, au point de vue de la langue et au point de vue de la législation. تبارك الذي بيده الملك, وهذا الملك هو الملك المطلق الكامل. Cette royauté, c'est la royauté ici illimitée, complète, parfaite. Allah جل وعلا détient cette royauté que personne en dehors de lui détient. C'est pour ça que on avait parlé de la royauté limité que possédaient les gens, gouverneurs, rois, ici-bas. Walakin malikul muluk, ici, celui qui est le roi des rois, celui qui détient la royauté al-mutlaq, on parle de al-mulk al-mutlaq, al-kamil, ici, complète, c'est Allah Jalla wa Ala. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran al-Karim. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى فسبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا nous rappelle sa puissance, sa grandeur dans plusieurs versets coraniques. Parmi ces versets, celui que je viens de citer. Et Allah جل وعلا ici dira au jour de la résurrection, ici أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون, c'est moi le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala détient une royauté que personne en dehors de lui détient. Et Allah جل وعلا dit dans le Coran تبارك الذي بيده, béni soit celui ici dans la main de qui est la royauté. وهذه الآية تدل على بعض الصفات. Ici, ce verset coranique ici prouve quelques attributs qu'Allah Jalla wa Ala a, ou un attribut qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala détient parmi ses attributs. Et cet attribut, c'est al-yad, c'est la main. Allah Jalla wa Ala a une main. La preuve, il y a beaucoup de versets coraniques qui nous le rappellent dans le Coran al-Karim. Il a deux mains. La preuve, il y a beaucoup de versets dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wa salam. Walidha yustafadu min hadhihi sura ithbatu al-yad lillahi azza wa jal. On prend comme bénéfice de cette sourate et de ce verset coranique le fait qu'Allah jalla wa ala ici a une main, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Et dans certains versets coraniques, on voit qu'Allah a une main. Dans d'autres versets coraniques, ici on voit qu'Allah a deux mains. Dans certains hadiths, il est rapporté qu'Allah Azza wa Jal a deux mains droites. Ici, ses deux mains sont droites. Ici, Allah Jalla wa Ala parle de ses mains dans le Coran al-Karim. Et le prophète alayhi salatu wa salam en a parlé dans la sunna authentique. Walakin, nous, on n'a pas le droit de rentrer dans les choses dans lesquelles sont rentrés certains philosophes, certaines personnes qui ont suivi leur passion. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle, par exemple, at-ta'atil, ou bien at-tashbih, at-tamthil, dans le fait de faire ressembler Allah Jalla wa Ala à ses créatures. Car Allah Azza wa Jalla a dit laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah, il a une main, on doit y croire. Al-imanu bihi wajib. Walakin, est-ce que la main d'Allah est comme la main de l'être humain? Hasha lillah. Allah a dit Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Allah Jalla wa Ala a dit wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Encore une preuve qu'Allah Azza wa Jalla a une main. Allah, il parle de la main droite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'ont pas estimé Allah jalla wa ala sa juste valeur. Pourtant, le jour de la résurrection, il saisira la terre entière dans une main. Et il pliera les cieux de sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Allah jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim aussi, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد. Ici, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains, d'accord? Biyadei, de mes deux mains. Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains. Donc est-ce que nous, on doit y croire, na'am. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de preuve ni du Coran, ni de la Sunna, bifahmi salafil umma, qui nous montre et qui nous rapporte et qui nous rappelle ou qui nous rappellerait qu'on a le droit de rentrer dans at-tamthil ici, ou bien at-ta'wil, ou bien at-tashbih, ou bien at-ta'til, la négation, de renier ici cet attribut d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. À ceux qui rentrent, et ici dans certaines sectes égarées, comme Al-Jahmiya, ou bien comme Al-Asha'ira, ou bien comme Al-Ahbash, on leur dit, apportez vos preuves. Il n'y a pas de preuves. Ici, qui nous pousse à rentrer dans cet excès, de dire, non, ça n'existe pas. Non, ça veut dire ceci ou cela. Clair ? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ Allah Jalla wa'ala عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ce verset coranique, ici, où cette parole-là, venant d'Allah Azza wa Jal, on va dire la quasi-totalité des gens la connaissent, c'est-à-dire des musulmans, musulmanes, croyants, croyants. Walakin, est-ce qu'on vit avec? Est-ce qu'on la médite comme il se doit? حَدِّثْ وَلَا حَرَجْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ici, certains gens de science, Ba'd al-Ulama, ils rapportent un récit, d'accord? Même si l'authenticité de ce hadith, d'accord, certains gens de science, ils disent qu'il n'y a pas de preuve authentique, d'autres, ils le prennent comme argument, etc. Nous allons dire, min haythul ma'ana, du point de vue du sens, on a pas, il n'y a pas de mal de l'utiliser. Kama qala al-Ulama, ici, il est rapporté que il y avait une personne, ou plutôt shaitan, Iblis. Ici, Iblis avait dit ou aurait dit à son armée, les junoudi, il aurait dit, إِنَّ الْعَالِمَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَسَأُرِيكُمْ ذَلِكَ. Iblis aurait dit, le savant, il est plus néfaste, nuisible, c'est-à-dire quelque part, est meilleur que l'adorateur, al-abid, ou plutôt que mille adorateurs. Iblis aurait dit à son armée, et c'est une réalité. Et il y a plusieurs preuves qui le prouvent. Mais on va rester avec, ici, ce récit-là. Iblis aurait dit à son armée, ici, Shaitan aurait dit, Al-Alim, il est plus nuisible, d'accord? Donc, c'est-à-dire, il est plus fort, il est meilleur que mille, min alfi abid, que mille adorateurs. Et ici, il a dit, je vais vous montrer ça, sa'urikum dhalik, je vais vous montrer cela, je vais vous montrer la preuve de cela. Fadahaba, ila abidin, في زاوية فكان يعتكف يصلي ويركع لله عز وجل بالليل والنهار. Il est parti voir une personne qui s'était mis dans un endroit pour faire al-i'tikaf, la retraite pieuse, pour faire la prière, al-ruku' al-sujud lillahi azza wa jal, de nuit comme de jour. Abid, mashallah. Donc il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Même plus que cela, on dit il adorait, écoutez bien, beaucoup son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ici il lui a dit, faqal, هل يستطيع ربك أن يضع السماوات والأرض في بيضاء؟ Il lui a dit, ton Seigneur, est-ce qu'il peut, il a les capacités de mettre les cieux et la terre dans un œuf? Al-Abid, il a réfléchi. Et il a réfléchi, et il a réfléchi. Il a dit, هذا لا يمكن. Il a dit, ce n'est pas possible. Il a dit, comment ça, les cieux, la terre dans un œuf? Peut-être maintenant les gens vont s'attendre et vont comprendre et vont connaître ce que je veux dire ici et vont connaître ici la suite de l'histoire pour montrer l'égarement ici de cet adorateur, bien qu'il adore beaucoup Allah Azza wa Jal. Mais il y a des gens qui réagissent de cette façon indirectement. Quand il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, ou ils ont un problème, ou ils ont une épreuve, ou ils ont un souci, est-ce qu'ils vivent avec ce verset coranique? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Khlas, même ils sont parmi, ou ils font partie des gens quelquefois qui disent, khlas, personne ne peut m'aider. C'est impossible, wal'ayadhu billah. Ils disent, c'est impossible que j'arrive à m'en sortir. Personne ne pourra jamais m'aider. C'est, jamais je pourrai réussir. Jamais. Et ce terme-là, jamais, impossible, ne fait pas partie du dictionnaire du musulman croyant, sincère, véridique. Abadan. Et on va voir les preuves de cela. Il dit, quelquefois, jamais, wal'ayadhu billah, ou c'est impossible. Certains musulmans, et ça c'est une erreur. Et certaines personnes, quand ils vont entendre ce récit, ils vont rire peut-être. Walakin, allez voir ces personnes-là, et moi le premier, quand on a beaucoup de problèmes, indirectement, on montre qu'on ne croit pas vraiment à ce verset coranique, à cette parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. On désespère. Et on dit, jamais j'arriverai à m'en sortir. C'est impossible qu'on puisse m'aider. Personne ne peut m'aider, wal'ayadhu billah. C'est comme si tu reconnaissais pas qu'Allah Jalla wa Ala était capable de toute chose. Toi, tu prétends, ou alors tu te permets de rire quand tu vas entendre peut-être cette histoire-là, walakin dans ton cas à toi, Tu ne ris pas, mais tu pleures en disant personne ne peut m'aider. Wal'iyadhu billah. Al-Abid, il a dit comment ça? Les cieux et la terre dans un œuf? Il a dit, هذا لا يمكن. فذهب إلى عالم من العلماء. Il est parti voir un savant parmi les savants. Et il lui a dit, هل يستطيع ربك أن يضع السماوات والأرض في بيضاء? Est-ce que ton Seigneur peut et capable de mettre les cieux et la terre dans un œuf? Al-alim, il n'a pas réfléchi beaucoup et tout de suite, il a dit, na'am, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toute chose. Et quand il veut quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il dit? Kun fayakun. Soit, et c'est. Al-yaqinu billahi azza wa jal. Al-ilm. Et ici, on voit al-farq bayn al-alim wal-abid, alladhi ya'bud rabbahu tabaraka wa ta'ala bi ghayri ilm. Et là, on voit la différence entre l'adorateur et le savant. Et je parle de l'adorateur qui adore Allah azza wa jal sans science. Ou sans connaissance véritable d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas appris à connaître vraiment Allah Azza wa Jal. Il n'a pas eu ce qu'on appelle l'aqidatu sahiha, la croyance ferme. Et on a dit l'aqida, l'islamiyya, al-sahiha, c'est l'aqida, c'est le fait de croire comment? Fermement, sans aucun doute. C'est ça. Là, il a eu des doutes. Donc, on peut dire que celui qui doute quant à la puissance, la capacité, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ici, il a une aqida déficiente. D'accord? Il a une déficience, khalal, dans sa aqida, wal'iyadhu billah. Donc, il a réfléchi, il a douté, il a dit, la hadha la yumkin. Allah, il fait ce qu'il veut, ya Abdallah. Allah Jalla wa Ala va plier les cieux et la terre avec sa main au jour de la résurrection. Donc, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Clair? Donc, ici, on voit le fait de croire vraiment en Allah Azza wa Jal et de se conformer vraiment et de se soumettre vraiment comme il se doit à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre avec les versets coraniques. Donc, quand tu as n'importe quel problème, reconnais qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses. Et ici, il y a des gens qui ont douté de cette puissance qu'Allah Azza wa Jal détient, de cette royauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient, de cette capacité qu'Allah Azza wa Jal détient, et ils sont tombés dans le kufr. Parce qu'une personne qui dit Allah Jalla wa Ala n'est pas capable de mettre les cieux et la terre dans un œuf, ma huwa al-hukm ici, c'est quoi le jugement? C'est la mort. D'accord, défaillance dans l'aqidah, c'est tout. Il reste musulman. Il sort de l'islam, wal'iyadhu billah. بإجماع العلماء بعد إقامة الحجة après l'établissement de la preuve bien sûr طبعاً. Et ici en vérifiant qu'il n'est pas majnoun, en vérifiant qu'il n'a pas fait ça par contrainte, en vérifiant etc. s'il remplit toutes les conditions et tu lui montres les preuves et il dit non, Allah Jalla wa Ala n'est pas capable de ça. Donc quelquefois, quelque part on dit فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أي القرآن الكريم. Allah Jalla wa Ala قال إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Donc lui, il a mécru en ce qui a été descendu sur le prophète alayhi salatu wasallam, le Coran al-Karim, car Allah il dit, Allah est capable de tout, et lui c'est comme s'il disait, il est capable de tout, sauf ça. Donc ça, il renie ce que Allah azza wa jalla a dit. C'est du kufr, wal'iyadhu billah. Donc regardez la gravité de ne pas avoir une aqida, une bonne aqida, une bonne croyance. Tu as beau faire ce que tu veux à côté, walakin si ta aqida, elle est mauvaise, tu peux tomber dans du kufr. Bien que tu fasses beaucoup de prières, bien que tu fasses beaucoup de siyam, bien que tu... Regardez, même si c'est une personne qui fait qiyam ul-layl et qui jeûne toute la journée, et ba'da iqamat al-hujja, et en lui apportant al-adilla min kitabillah wa min sunnati rasulillah, etc., il dit non, je crois pas à ça, bien qu'il fait beaucoup d'ibadat, faqad kafara bima unzila ala Muhammad ay kharaja min al-millah. Il sort de l'islam wal-iyadhu billah. Donc, c'est pas le fait de faire beaucoup d'adoration qui est le plus important. Walakin, c'est de faire des adorations bi-ikhlas, d'accord? Et en respectant aussi al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi, que ça soit conforme, la conformité conforme à ce que le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit de faire. Ici, al-kuffar aussi, et al-mushrikoun, ici, il renie le fait qu'Allah azza wa jalla est capable de toute chose. C'est pour ça qu'on les entend dire tout le temps, ou souvent, des termes comme jamais. D'accord? Jamais. Tu ne pourras jamais faire cela. C'est impossible. Ceci est inimaginable. Ceci, et ils réagissent beaucoup comme ça, les kuffars. et les associateurs, wal'ayadhu billah. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran al-Karim, وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا بهذا القرآن. Et ceux qui ont mécru ont dit لن نؤمن بهذا القرآن. Et لن, في اللغة العربية, ça veut dire quoi? On parle de quoi? Du fait que tu ne pourras jamais le faire. Al-Asl, la règle générale, c'est quoi? C'est jamais le faire dans, c'est-à-dire il n'y a, tu ne pourras jamais le faire, jamais. C'est indéfini, sauf, d'accord, s'il y a quoi? Est-ce que ça veut dire toujours l'indéfini, l'an? Non. Ici, ça veut pas dire tout le temps. C'est-à-dire, si tu as un terme qui te montre, ici, que ça dure pendant, c'est dans le futur, mais ça dure pendant une journée, ou c'est deux journées, ou c'est une période, c'est limité. D'accord? Walakin, si tu ne rajoutes pas de terme qui délimite l'indéfini, d'accord, ou le futur, ça peut vouloir dire de façon indéfinie, c'est-à-dire jamais. Comme ici, ils ont dit, lannu'mina, c'est-à-dire ici, ce n'est pas pendant une période, c'est indéfini. Lannu'mina bihadha al-Qur'an. On ne croira jamais à ce livre, wal'iyadhu billah. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous dit, ça, c'est une caractéristique propre, d'accord, des gens qui n'ont pas bien compris cette religion, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, en la capacité d'Allah azza wa jalla, en la grandeur d'Allah azza wa jalla. Amma le croyant, il ne dit pas jamais. Parce qu'Allah azza wa jalla, il est capable de toute chose. Je vais jamais réussir. Il commence par exemple à prendre le Coran al-Karim, il voit tout le Coran al-Karim, oh, shaitan, il va lui faire rendre ça comme si c'était impossible. Jamais j'arriverai. Et un jour, inshallah ta'ala, tu seras une personne qui aura appris beaucoup d'ilm et qui, jamais j'arriverai à ce stade-là. Jamais je, et le fait de dire jamais, c'est une erreur. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, bi'idnillahi azza wa jal wa billahi tawfiq. Ici, Allah azza wa jal, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la réussite, le succès. Et tu demandes toujours la réussite et le succès à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne dis jamais j'arriverai. Ah bah, il n'y a pas de jamais. Bi'idnillahi ne dit aussi jamais. D'accord, faut pas dire je réussirai, tout simplement. Insha Allah Ta'ala. D'accord, wa billahi tawfiq. Walakin Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose et il faut pas ici provoquer une paresse, une déficience en nous en disant jamais j'arriverai, baisser les bras toujours wal iyad billah. Wadih? Thumma qala subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Jalla wa Ala a créé la mort, a créé la vie. Claire? Alladhi khalaqa. Ça veut dire quoi ici? C'est celui qui a créé la mort et la vie. Liyabluwakum. Limadha? Ici, lam. Ici, c'est lam de quoi? At-ta'lil. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ici? De causalité. D'accord? C'est un lam de causalité. D'accord? Kay. C'est lam ta'lil ici, on l'appelle le lam de causalité. Liyabluwakum. D'accord? Pour que, ou afin qu'il vous éprouve. D'accord? Pour savoir, bien qu'Allah Azza wa Jal, il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui se passe, et il sait ce qui se passera. Mais pour que ça soit un argument aussi pour ou contre nous, au jour de la résurrection. Et il nous rappelle que c'est une demeure d'épreuve ici. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Faqaddama Jalla wa Ala. ذكر الموت على الحياة. Allah Jalla wa Ala a fait devancer le rappel de la mort avant la vie. Al ulama, ils ont dit, c'est pour faire peur. لِيُخَوِّفَ الْعِبَادِ, pour faire peur aux serviteurs. Pour exhorter, capter ici l'attention de celui qui va lire. Pour rappeler à la personne aussi que on va mourir. Et il nous rappelle qu'il a créé la mort et la vie. Pourquoi? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. D'accord? Afin de vous éprouver et de voir et de savoir qui sont les meilleurs en œuvre. Il nous rappelle ici que la mort va venir rapidement et qu'on est dans une demeure d'épreuve, dans un examen. Et à nous de ne pas être noyés par cette vie d'ici-bas. Allah Jalla wa Ala nous a créés ici pour mourir ici-bas et vivre dans le-delà. هكذا قال العلماء aussi. Allah Jalla wa Ala nous rappelle qu'il nous a créé pour mourir ici-bas et pour vivre dans le-delà. الذي خلق الموت الموت والحياة ليبلوكم. Donc ici, il a commencé par la mort pour nous rappeler aussi que ici-bas, on a été créé pour adorer Allah Azza wa Jalla aussi, mais qu'on doit mourir ici-bas. Mais que la vraie vie, c'est quoi? C'est dans le-delà. C'est pour ça qu'il nous rappelle que ici-bas, ce n'est pas le plus important. Et la vraie vie, c'est après. Donc il nous rappelle d'abord le rappel de la mort. Il cite le rappel de la mort, ensuite de la vie. Allah Jalla wa'ala a créé la mort comme la vie, comme il a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Allah Jalla wa'ala, pourquoi il a créé la mort? Pourquoi il a créé les cieux? Pourquoi il a créé la terre? Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, on n'a pas créé les cieux et la terre. D'accord? Par, et ce qu'il y a entre eux, par la'ibin, c'est-à-dire par divertissement. D'accord? مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ. On les a créés en toute vérité. ولكن أكثرهم لا يعلمون. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle que tout ce qui a été créé, ce n'est ni en vain et ni par divertissement. C'est-à-dire, كما قال العلماء, c'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait rien à faire, hasha lillah. Ou bien il voulait s'amuser, ou bien pour se divertir, ou bien Allah le dit clairement, il nous rappelle. Et il dit à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala de ce verset coranique, mais la plupart ne savent pas. C'est-à-dire, ils ne prennent pas conscience, ils ne raisonnent pas. Et ici, ils pensent que tout cela a été créé parfaitement, walakin ça a été fait comme ça. Donc quelque part, par divertissement. Et ils ne méditent pas quant à la création des cieux et de la terre comme il se doit. Ils ne prennent pas conscience que tout ce qui a été créé, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, l'a décidé, et il a été créé qu'en toute vérité. D'accord? Toute chose a un but. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose de par sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Comme la mort. Allah jalla wa ala l'a pas créé par divertissement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort, clair, pour faire passer al-insan dans le monde intermédiaire qui est al-barzakh, pour faire rencontrer al-insan la vraie vie éternelle, soit en enfer ou soit au paradis. Amma la mort, elle a été créée. Wa ad-dalilu ala dhalik qala jalla wa ala alladhi khalaqa. Allah azza wa jalla dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie. Et parmi les preuves rapportées par al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam a dit au jour de la résurrection, Allah jalla wa ala, ici, il ramènera la mort qui sera présentée sous forme de quoi? Kibsh, d'un bélier. Dans le hadith rapporté par al-Bukhari, vous le connaissez. Il va ramener ici la mort, Allah Jalla wa'ala, au jour de la résurrection. Et cette mort, elle sera représentée par un bélier. Un crieur, yunadi munadi, un crieur demandera aux gens du paradis. Ya ahl al-jannah, il dira aux gens du paradis, ainsi qu'aux gens de l'enfer. Connaissez-vous cela? Ils diront tous, na'am. C'est quoi? Al-maut, c'est la mort. Donc la mort sera représentée par un bélier au jour de la résurrection. Ils diront, connaissez-vous cela, tous les habitants du paradis et de l'enfer? Ils diront, na'am, on connaissait la mort, al-maut. Et ici ensuite, après l'égorgement de la mort, le crieur dira aux gens du paradis et de l'enfer, ya ahl al-jannah, khuloudun bila maut. Ya ahl al-nar, khuloudun bila maut. Oh, vous, habitants du paradis, l'éternité sans mort. Oh, vous, les habitants de l'enfer, l'éternité sans mort. C'est-à-dire que la mort qui sera représentée par un bélier sera égorgée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de... La mort va mourir. Même la mort va mourir. Subhanallah. Tout va mourir. Kullu man alayha fan. Allah Azza wa Jalla, il a créé la mort et même la mort n'existera plus. C'est-à-dire il n'y aura que l'éternité. Pour al-ins wal-jinn. Pour les êtres humains et les djinns. Amma, les animaux, ici, ils vont devenir poussière. Donc ici, les habitants du paradis seront en paradis éternellement. Pourquoi éternellement? Il n'y a plus de mort, là c'est fini. Amma, ici, les habitants de l'enfer seront en enfer éternellement. Il n'y a plus de mort, sauf ceux qui, Allah Jalla wa'ala, décidera ensuite de les mettre au paradis pour l'éternité. Mais il n'y aura que éternité, bi'idnillahi azza wa jal. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam cita le verset coranique où Allah jalla wa ala dit et avertit les du jour du regret quand tout sera réglé alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. Fi dhalika al-yawm la yanfa'u an-nadam, les regrets ne profiteront en plus rien. Donc la mort n'est pas définitive et on peut pas dire khalas il est mort, repose en paix. La mort c'est le début. Alladhi khalaqa al-mauta wa ensuite la mort, après la mort il y a quoi? La vie. Allah il a créé, d'accord, la mort pour ici-bas et la vie pour l'au-delà. La vraie vie, hein, on parle de la vraie vie éternelle, c'est dans l'au-delà. Donc les vrais problèmes, les vrais soucis, quelque part ils commencent quand? C'est des problèmes qui durent 10 minutes ou qui durent une heure ou une semaine ici-bas. Même si tu as le plus grand des problèmes qui existent sur la surface de la terre, il va terminer, il va terminer. Pourquoi? Tu vas mourir. Il va mourir avec toi le problème. Mais si tu es éprouvé dans ta religion, il terminera pas ce problème-là. Il va te suivre même après la mort. C'est pour ça qu'on dit la plus grande des fitna, la plus grande des épreuves, c'est quoi? C'est d'être éprouvé dans sa foi, al-iman. C'est pas dans ses enfants, dans son argent, dans ses habits, dans sa santé, dans... Tout ce qui est sur la surface de la terre va et voit éphémérité. Tout va s'arrêter. Tous ces problèmes vont rester là. Le prophète, alayhi salam, il a dit, quand al-insan, la personne meurt, il y a 3 choses qui le suivent. Est-ce qu'il a dit, il y a tes problèmes qui vont te suivre? Khalas. Il y a quoi qui va te suivre? Il y a tes biens, il y a ta famille, et il y a les œuvres, al-a'mal. Et 2 vont revenir, 1 va rester. Même la famille va pas te suivre. Même ici, les biens ne vont pas te suivre. C'est quoi qui va rester? C'est tes œuvres. Ah, ça y est, tu seras tout seul. Pourquoi? Parce que ici, tu commences à rentrer dans, ou tu es rentré dans le monde intermédiaire. Et au jour de la résurrection, c'est pas, attends, je prends le téléphone et j'appelle mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah Azza wa Jalla parle ici du comportement qu'auront les gens le jour de la résurrection. Le jour où le frère va fuir de son frère, le père de son père et de sa mère, et de son conjoint et ses enfants. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, de sa mère et de son père, et de sa conjointe ou son conjoint et ses enfants. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset coranique, le jour où le père ne répondra en rien pour l'enfant, ni l'enfant ne répondra en rien pour les pères. Khalas. Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salam, nous a rappelé que l'NBA, ils diront quoi? Nafsi, nafsi, nafsi. Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Nuh alayhi salam. Ils vont dire nafsi. Regardez le comportement qu'auront les personnes là. Au jour de la résurrection. Pareil dans ta tombe. Maintenant, ce qui va t'importer, ce qui va t'être bénéfique, c'est quoi? C'est tes actions. Kama qala Umar radiallahu anhu wa arda, al-yawm, amalun, ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Aujourd'hui il y a les actions, les œuvres, pas de compte. Tu rends pas de compte aujourd'hui. Le vrai jugement, le vrai tribunal, c'est pas ici-bas. La vraie justice, la vraie équité parfaite, complète, c'est pas ici-bas. C'est dans l'au-delà, c'est demain bi'idhnillah azza wa jalla. Walakin demain, pas d'action, fini, khalas. Walakin il y aura al hisab. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala il a rappelé l'importance de faire des bonnes actions. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, pour que liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc Allah Azza wa Jalla ici il dit avec une traduction approximative, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui de vous est le meilleur en œuvre. ولم يقل تبارك وتعالى أو قل إن شئت ما قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا. Comme on dit les gens de science et ici les exégètes, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit afin de vous éprouver pour voir qui est le, c'est pas le meilleur en œuvre. Non, il a dit le meilleur en œuvre, mais il n'a pas dit celui qui a fait une grande quantité d'œuvres. أكثر عملا لا أحسن عملا. Ce qui nous importe, c'est pas la quantité, ولكن c'est la qualité. Clair? Ici, لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لَيْسَتْ بِالْكَمْ. Voilà ce qui nous importe. Ici, c'est la qualité. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup d'actions, mais par contre, ils sont dans des grandes innovations. Ou alors, ils sont dans du shirk. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et ici, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ أُحْيَا إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il a été révélé au prophète ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu m'associes quoi que ce soit ou qui que ce soit, tes œuvres vont devenir quoi? Vaines. Donc imagine-toi quelqu'un qui fait siyam, quelqu'un qui fait al-qiyam, quelqu'un qui donne beaucoup de sadaqat, quelqu'un qui va sourire aux gens. Il aura husnul khuluq, le bon comportement. Il va faire beaucoup de bien aux gens. Il est, on va dire quand on le voit, subhanallah, tu dirais un Coran qui marche. Walakin, il fait du shirk, shirkun akbar, la grande association. C'est-à-dire quand il rentre chez lui, ou alors une fois par semaine, il dit, moi je vais faire le dhabh, je vais égorger une poule pour un djinn. Elle m'a bien kiffé tout ça. Faqad kafara. بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فخرج من الملة بإجماع العلماء بعد إقامة الحجة etc. Donc ici après l'établissement de la preuve etc. s'il persiste, il sort bien qu'il ait fait des millions d'actions. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a pas dit akthar, ici il a pas dit celui qui fait le plus de bonnes actions. Walakin les meilleurs des actions. Et ici, c'est pour ça que le plus important, c'est de regarder toujours deux choses. قبل العمل قل لنفسك لما وكيف. Toujours dis-toi ça. لما فعلت كذا وكذا. Pourquoi j'ai fait ceci et cela. وكيف. Et comment j'ai fait ceci et cela. C'est ce qui nous importe. لما وكيف. Si ici tu t'assures que pourquoi tu as fait cela, d'accord, est conforme à ce qu'Allah attend de toi. Et comment tu as fait cela est conforme à ce que Allah attend de toi. خلاص أبشر أنت على خير. Tu es sur un bien بإذن الله عز وجل. وإلا tu es dans un égarement. C'est-à-dire, il faut que ton action, si minime soit-elle, elle soit lima. Pourquoi? C'est pas pour les gens, c'est pour Allah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. C'est ici, Allah t'a commandé de quoi? De lui vouer un culte exclusif, pur. C'est pas pour les gens. لما فعلت كذا وكذا. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal m'a demandé de faire cela. Je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal. Et comment? Même si tu l'as fait avec une bonne intention. Ici, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Il faut que ça soit conforme à la législation. Demande-toi toujours comment je le fais. Donc, je dois le faire comme le prophète l'a fait. صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم. Prenez de moi ici les rites du pèlerinage. Priez comme vous m'avez vu prier. On doit être ici dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, tu es dans un égarement. Bien que tu fais beaucoup. Donc, ce qui t'intéresse, toi et moi et nous, c'est de faire des bonnes actions, si minimes soient-elles. À partir du moment où l'action, elle est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et elle est faite avec sincérité, c'est ce qu'on appelle العمل الصالح كما قال العلماء. C'est ce qu'on appelle l'œuvre salutaire. Souvent dans le Coran on voit إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. C'est quoi العمل الصالح? C'est celui qui est ici effectué sincèrement pour Allah et qui est conforme à la sunna du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, à la législation, à ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit. Clair? Ça c'est l'œuvre salutaire. ولكن si tu fais beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, mais tu les fais d'une façon que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, est-ce qu'on va dire ça suffit le fait que le foulain il fait beaucoup de prières, même s'il prie et met ses mains comme ça, ça suffit ou pas? On va lui dire qui t'a dit de mettre tes mains comme ça? Le prophète a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Les gens qui disent c'est pas grave al-bid'a, c'est pas grave, bah laisse-moi, da'ni, laisse-moi, moi je vais faire salat, je vais faire Allahu Akbar, je vais mettre mes mains comme ça. Ah, je suis musulman, c'est une bid'a, le prophète là, bah c'est pas grave. Ah mais là c'est exagéré. Subhanallah, c'est toi qui as ta balance de ce qui est exagéré ou pas. Tout a été expliqué dans l'islam. Ce que le prophète a dit de faire, on le fait. Ce que le prophète a expliqué, on le prend. Ce que le prophète a interdit, on le délaisse. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle avec wahi. In huwa illa wahyun yuha. Ici, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Donc, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est de faire une bonne action. C'est quoi la bonne action? Al-ikhlas wa al-mutaba'a. واضح. C'est tout. Wallahi, ça suffit pas. Bi'idnillah Azza wa Jal, celui qui veut être ici un croyant véridique, sincère, aimé par Allah Azza wa Jal, il faut qu'il remplisse deux autres conditions. Ici, et là j'élargis. Je ne parle pas que dans l'ibadat, dans les actes d'adoration en elles-mêmes, mais je parle dans al-amal, le travail, les actions que tu fais de façon générale, même dans les sciences profanes. C'est pas que dans salat, dans l'ibadat, non. Ici, dans toute chose, rajoute ces deux choses. Al-itqan ou al-ikmal. Al-itqan, c'est le fait de faire les choses bien. D'accord? De faire bien les choses. D'accord? D'essayer de toujours s'approcher de la perfection. D'accord? On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et personne n'est infaillible. Et tout le monde fait des erreurs. Même si tu es un grand mathématicien, tu peux faire des erreurs dans les maths. Là, je parle de toutes les sciences. Tu peux faire des erreurs dans toute chose, dans tout corps de métier. Walakin, tu dois toujours essayer de t'approcher de al-itqan, c'est-à-dire de faire les choses bien. في الحديث الذي حسنه الألباني للبروفيت عليه الصلاة والسلام كيسكي لدي إن الله يحب إذا عمل الله جل وعلا أن si un de ses serviteurs accomplit عملاً أن يتقنه une action qu'il la fasse أن يتقنه أي qu'il la fasse pas complètement qu'il la fasse bien qu'il s'approche de la perfection c'est ça l'itqan qu'il essaie de la faire de la meilleure des façons ah ça c'est une preuve parmi les preuves d'accord qui nous rappelle que quand tu fais quoi que ce soit al-itqan on a le hadith là ولكن on a un verset coranique qui prouve qu'on doit toujours s'accrocher à deux choses. Et si seulement les musulmans s'accrochaient à ces deux choses, où on serait au jour d'aujourd'hui? Hadith wa la haraj. Et où sommes-nous au jour d'aujourd'hui? Hadith wa la haraj. Les gens, ils disent, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi il se passe ça? Fawarabbil Ka'ba. Tant que la personne ne cesse. Ou alors, n'a pas compris qu'il faut toujours répondre à ces gens-là avec ce verset coranique, il a compris que très peu de choses dans la religion, les asaf. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ce n'est pas le fait de répéter. Allah répète les choses dans le Coran. Quand il répète les choses, et quand les savants répètent des versets coraniques, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son propre état. Comment tu veux que, après qu'on ait compris ce verset coranique, Allah nous donne la victoire, qu'on ne soit pas humilié dans le monde entier, ou dans certains endroits dans le monde, alors que tu vois qu'il y a très peu de itqan et très peu de ce qu'on appelle al-ikmal عند المؤمنين chez les croyants. C'est le fawda même dans une administration dans les pays musulmans. Alors qu'on a dit nous, on n'a pas d'excuse, nous on a la religion. On a la meilleure des religions, on a le meilleur des livres, on a le meilleur des prophètes Mohammed alayhi salatu wa salam, on a la meilleure des langues. On est un grand nombre. Combien de pays sont arabes dans le monde musulman? Tous la même langue, tous la même religion. Et tous en désaccord, illa man rahim Allah. Et ça c'est le problème. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim. Et il parle de Daoud alayhi salam. Et regardez ce que dit Cheikh Al-Uthaymin rahim Allah ta'ala dans le sharh de cette ayah. Wa laqad atayna Daoud minna fadla. Ya jibal, awwi bima'ahu wa at-tayr wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighat wa qaddir fi sard. Allah Jalla wa Ala, il parle de Daoud et il dit nous avons certes accordé à Daoud une grâce de notre part. C'est Allah qui donne. Quand toi tu as un khir ou tu as de l'argent ou tu as du ilm, la taqul hadha minni ou min indi ou min la hadha min Allah hadha min fadlillah azza wa jalla. Ça vient d'Allah azza wa jalla. Wa laqad atayna Daoud minna fadla. C'est Allah qui a donné. Et il dit et il cite certaines grâces qu'Allah il a donné à Daoud alayhi salam. Et il dit ô montagne et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah Azza wa Jal. Ici, Daoud, il était connu pour avoir une très belle voix. Et quand il répétait les louanges d'Allah Jalla wa Ala, non seulement les montagnes, et certains disent c'est par rapport à l'Ala Kulli, les montagnes et aussi les oiseaux répétaient après lui. Imaginez-vous, la voix de Daoud alayhi salam, avec les oiseaux qui répétaient avec lui. Et ici, Allah Jalla wa Ala dit, wa alanna lahu al-hadid. On a amoli pour lui, c'est quoi? Al-hadid, le fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daoud alayhi salam n'importe quel fer facilement entre guillemets il pouvait jouer avec. D'accord, ça c'est une grâce de la part d'Allah Jalla wa Ala. Il maniait le fer facilement, avec facilité. Donc il faisait ce qu'il veut par la permission d'Allah avec le fer. Ça c'est une grande grâce, un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il a dit Allah et pour lui nous avons amoli le fer en lui disant, écoutez bien ce qui nous importe ici, fabrique des cottes de mailles. Et certains ont dit que le premier qui a fabriqué les cottes de mailles, c'est qui? Daoud alayhi salam. Qu'est-ce qu'il faisait Daoud? Il faisait quoi avec ses cottes de mailles aussi? Il faisait les armures, hein? D'accord, en cottes de mailles. D'accord, Daoud alayhi salam faisait les sortes d'armures comme ça en cottes de mailles. Et Allah dit fabrique les cottes de mailles. C'est tout. Pourtant les gens ils vont dire c'est un détail, c'est tout, c'est pas grave. Nous ce qui nous importe c'est salah. Regardez, c'est un travail. Là on parle pas de ibada, de salah, de siyam, de hajj, de... Il lui dit, fabrique les cottes de mailles. C'est un travail comme les autres. Mais regardez ce qu'il lui dit. Allah subhanahu wa ta'ala, an y'amal sabirat wa qaddir fi sard. Allah jalla wa ala, il mentionne deux qualités. Al-itqan wa al-ikmal, kama qala al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Il dit ici, fabrique les cottes de mailles complètes, al-ikmal. Et mesure bien les mailles, al-itqan. Cheikh al-Uthaymin, il dit ça, c'est la preuve que quand quelqu'un fait un travail, il doit réunir ces deux choses. Al-ikmal, le fait de les faire de façon complète. C'est-à-dire de façon complète, l'opposé du travail d'arabe. Vous imaginez ou quoi? Regardez les arabes, ce qu'on a hérité de le Coran al-Karim. Normalement, nous, on doit être les références. Normalement, on doit dire, les gens doivent dire, les non-musulmans, s'il vous plaît, essayez de me faire un travail d'arabe. Ouais, même à l'oreille, ça sonne mal. Normalement, faites-moi un travail d'arabe, s'il vous plaît. Maintenant, les gens, ils disent quoi? Après, allez, l'affaire à je sais pas qui, celle-là, oui, mais c'est du racisme. Subhanallah al-Azim. Si on a hérité de ça, c'est qu'il y a une raison. Racisme, nous partout du racisme. Quand on va dire, oui, dans les cités, il y a beaucoup d'arabes et de noirs, c'est une réalité qui brûle, qui casse. Oh, c'est des racistes. Pourquoi c'est des racistes? C'est pas vrai, ça. En général, dans les cités, il n'y a pas beaucoup d'arabes et de musulmans et de noirs, on va dire de noirs, sans être raciste, bien sûr, hein, qui cassent, qui brûlent. Il n'y en a pas beaucoup, en général. C'est une minorité. D'accord? Faut arrêter. Allez voir les prisons. Est-ce que c'est une catastrophe, le nombre de musulmans qui sont dans les prisons? Oui. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, et là, on est content. La première religion de France dans les prisons, c'est l'islam. Oh, mashallah. La belle. Regardez le degré qu'on a atteint. Et on est content, et on est fier de nos erreurs. Le travail d'arabe. Ah, téléphone d'arabe. Qila wa qal. Et le prophète Aïssam, il a dit à 14 siècles, Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Faqal Aïssam yakrahu lakum. Qila wa qal. Wa kathrat al-su'al wa ida'at al-mal. Le prophète Aïssam, il a dit à Allah, il agrée pour vous, il déteste pour vous. Trois choses. Parmi les choses qu'il déteste, Qila wa qal, les on dit. Eh ben, on a hérité encore de quoi? Le téléphone de qui? Téléphone d'arabe. Téléphone arabe. C'est-à-dire, voilà, dès qu'il y a une information, ah, Foulan, il a dit, et on rajoute une chose. Foulan, il a dit ça avec ça. Ah, Foulan, il a dit ça avec ça, avec ça. Tiens, Foulan, il avait, et ah, voilà, on fait des histoires, et on est, masha'Allah, al-isha'at, les rumeurs, etc. On est les professionnels. Illa man rahim Allah. C'est une réalité ou pas? C'est une réalité. Fawarabbil Ka'bah, c'est une réalité. Et après, on dit, mais pourquoi on est dans cette situation? C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Point à la ligne. Et des gens, ils aiment. Dès que, par exemple, il va voir ce qui se passe maintenant en Palestine, masha'Allah, il est content. Parce qu'il y a des gens, ils attendent ces événements-là pour ici créer al-balbala, la pagaille, al-fitane dans les rangs des musulmans, et pour se montrer gonfler son torse. D'accord? Je donne une métaphore, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah là, il sort des vidéos sur le djihad, et il sort des versets sur le djihad, et il les met hors contexte, et il dit voilà, et certains exportent le problème, et ils sont en train d'attiser, ou d'attirer, ou alors de répandre la haine chez des jeunes, en mettant des anachites sur le djihad, et des versets coraniques qui défilent, en disant regardez, ça c'est les juifs, et regardez ce qu'ils font, nous notre rôle, c'est de tuer les juifs ici en France, et ceci et cela, et si tu vas le voir ce foulain, miskin, de jour comme de nuit, il est en train de taper des kebabs, il est tranquille chez lui, comportement avec la famille, hadith wa la haraj, dans ses actes d'adoration, hadith wa la haraj, qu'est-ce qu'il fait pour la communauté, hadith wa la haraj, et à part ça, qu'est-ce qu'il sait faire, c'est crier et aboyer. C'est une réalité. Il y en a qui sont comme ça, et je ne généralise pas, et je ne parle pas de tout le monde, wal'iyadu billah, je parle de certains, et ils se reconnaîtront. Ils attendent le moindre occasion pour faire n'importe quoi et jouer avec la religion, alors que ça c'est des questions de quoi? L'effusion de sang. Ce n'est pas un jeu. Voilà qu'initia yu al-ikhwat wal-akhawat, c'est pour nous dire que nous, tant qu'on ne s'est pas corrigé, il n'y aura pas de réussite. Fawarab al-Ka'bah, il n'y aura pas de réussite. Il faut que nous, on fasse un effort sur nous-mêmes. Quand Allah Azza wa Jalla a donné la notoriété, la puissance, le fait que les gens aiment et respectent cette religion, même s'ils n'étaient pas musulmans, c'est quoi? Quand tu regardes, c'est qui a hérité de ça et qui a eu ça, ce bienfait de la part d'Allah? C'est qui? C'était des gens pervers? C'était des gens pieux. Alors, t'as des sahaba. Quand nous on sera, ou du moins on ressemblera aux sahaba, on méritera ce qu'on méritera. Voilà que nous on est comme les sahaba, et moi le premier. On ressemble aux sahaba en général dans la communauté, et moi le premier. Et donc on veut hériter de ce qu'ont eu les sahaba. Faut pas rêver. On n'a rien sans rien. Wa allaysa lil insana illa ma sa'a. Al jaza min jinsi al amal, tout simplement. Donc laisse-nous de ces polémiques et de ceci et de ces cela. Comme a dit alayhi salatu wa salam, man lam yas'al illa, rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Yardab alay. Celui qui n'invoque pas Allah, qui demande pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Nous, ce qui nous importe quand on voit des injustices, car l'islam est contre toute forme d'injustice, lève tes mains et ne néglige pas ad-du'a. Ad-du'a huwa al-ibada. Néglige pas ad-du'a. Et peut-être les personnes qui crient, tu vas lui dire, vas-y, dis-moi, billahi alayk. Est-ce que dans toutes tes prières aujourd'hui, tu as fait du'a pour nos frères en Palestine ou en Syrie? Allez, dis-moi. Normalement, ça, c'est ce qui nous est demandé. Chaque prière dans As-Sujoud, on doit faire ad-du'a pour nos frères opprimés dans le monde. Ça, c'est la moindre des choses. Là, tu es bénéfique pour tes frères. Et en te réformant, là, tu es bénéfique pour tes frères. Mais tu as oublié qu'Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Et quand Allah il veut quoi que ce soit, il dit soit ici. Allah il n'a pas besoin de toi, et Abdallah. Allah il te demande, toi change, et moi je changerai votre situation. Il t'a pas dit toi change la situation du monde entier. Où t'as vu ça toi? Allah il t'a dit soit le maître du monde ou soit le réformateur. Il t'a dit réforme ton nefs. Réforme-toi toi, pense à tes frères, invoque pour tes frères. Si tu peux donner de l'argent à travers des associations qui sont transparentes, qui sont fiables, dignes de confiance, fais-le. Et ici, réforme-toi et réforme et sois la cause de la réforme de tes frères et tes sœurs. C'est comme ça que va venir la réussite et la victoire. Voilà que nous, on a trop de déficiences, que ça soit au niveau de notre comportement. Quand on voit ici au niveau de notre travail, même pas dans l'ibadat, même dans le travail, il n'y a pas d'itqan, il n'y a pas d'ikmel, travail d'arabe, téléphone arabe, etc. Oh, c'est pas grave. Même on entend souvent ces récits, hein. Par exemple, quand tu vas dans un endroit ou alors dans certains pays musulmans, quand ils remontent quelque chose, n'importe quoi, une voiture ou un moteur, il y a des vis en plus, ah, ça c'était en plus, ça ils se sont trompés, ils jettent. Et ça, où tu vas entendre ça? Même, par exemple, en France, dans un pays non musulman. D'accord? Où tu vas entendre ça? Une vis, peut-être il va tout redémonter, il va dire cette vis, elle allait quelque part, elle était en plus, irmée. Ils ont fait des études pendant des années et des années pour que toi t'arrives, t'as même peut-être même pas un brevet, tu jettes, oh, y a les 10 vis, ils sont en trop. Et après il s'étonne pourquoi, hop, hop, il va monter dans sa voiture, il va rouler, il va faire un accident, il va tuer 4 personnes, il va... C'est ta faute, al-jaza'u min jinsi al-amal ya Abdallah. Donc nous il faut d'abord aller itqan wal ikmal, que ça soit dans l'ibadat, dans les actes d'adoration, et même dans le travail. Il y a des gens maintenant, quand il fait un travail, il le fait travail bâclé, pas d'itqan. Il commence... Après, il abandonne. Pas d'ikmel. Et ensuite, on dit, mashallah, nous, on est les meilleurs, on est, toi, tu es quoi? Et moi, je suis quoi? Illa man rahim Allah. Quand tu fais un travail, fais-le complètement. Tu t'engages, engage-toi. Aïna al-nizam. Elle est où la discipline? L'ordre, l'organisation. Tu vas juste, quelquefois, dans certaines administrations, je suis pas en train de rabaisser Abadan. Les musulmans, et ça, c'est une conviction qu'on a avec tout le respect qu'on doit aux autres religions. Lakum dinukum waliyad din, à nous, notre religion, à vous, votre religion. Comme les chrétiens vont le dire, comme les juifs vont le dire, c'est leur droit, mais nous disons, on est la meilleure des communautés suscitées sur la surface de la terre. Pourquoi? On est la seule communauté qui adore Allah Azzawajal sans rien lui associer. Hada yakfi, ça suffit. Pour dire qu'on est les meilleurs. Walakin, je dis, il y a des défauts. Il faut les dire, al-haq yuqal. La vérité doit se dire. Quand il y a un défaut de chez nous, on le dit. C'est comme ça qu'on va se réformer. C'est en reconnaissant ces erreurs. Tu vas dans une administration dans certains pays musulmans, et ben, tu sais même pas s'il y a 30 fils, ou il y a pas de fils, où c'est la guerre, où tout le monde crie, tout le monde. Tu vas dans une administration dans certains pays non musulmans. Ici, dans des pays musulmans, c'est une catastrophe. Dans les pays non musulmans, tu vois quoi? Un nizam, la discipline, une file. T'entends rien. Tu peux entendre même le bruit des claviers. Où tu vas entendre le bruit des claviers dans un pays, dans certains pays? Wallah, t'entends le rouette. Une fois, j'étais dans un centre commercial. Wallah, l'adim, c'est même pas qu'une fois. D'accord? Et je parle pour moi le premier. Attention. C'est une réalité. C'est comme ça qu'on va se réformer. Et j'entendais, wallah, et des gens, qui parlaient, et malheureusement souvent des femmes, et qui parlaient, vous savez, hein, nous quelquefois, si par exemple un non-musulman, vous le voyez dans, qui va regarder une conversation, par exemple de deux femmes âgées qui parlent entre elles, il va se dire, ils sont en train de se battre. Alors qu'ils sont à la baisse, qui d'ailleurs, alhamdulillah, kulchi la baisse, la ilaha la baisse, ils se disent que des la baisse. Voilà qu'il y a tellement qu'ils crient, on dirait qu'ils se battent. Et c'est comme ça, malheureusement. Moi, Wallah, j'étais dans un centre commercial, j'entendais, je pensais qu'il y avait la guerre, là, je me dis, non, c'est vraiment la guerre. C'était, je sais pas combien de rayons au fond, et c'était juste en train de parler la baisse. Où on va? Alors que t'entends personne, tu vois les non-musulmans, mashallah, nizam, la discipline, tout le monde se pose, tout le monde parle bien, tout le monde est, et nous, on crie tout. Et c'est ça, tu vas dans la majeure partie des pays musulmans plutôt ici, et tu vas voir qu'il y a un manque de discipline grave. Un manque de discipline énorme. Quand on sera discipliné? Quand on aura compris c'est quoi al-itqan, le fait de faire les choses comme il se doit, approcher au mieux ou au plus de la perfection, et al-ikmal, de faire les choses complètement, c'est pas tu t'engages un peu, ah là j'ai oublié, hana dans tout maintenant, asmah li, j'ai oublié, ah il commence, ah j'ai oublié. Alors il y a des gens, ils sont comme ça dans din, et ils sont comme ça même dans les choses de dunya. Et on a c'est pire, dans les choses de dunya, ils vont faire bien. Walakin dans din, ah ibakl, wal'iyadhu billah. Nous on veut al-itqan et al-ikmal, c'est comme ça que tu vas être aimé par Allah et tu vas faire des actions aimées par Allah, car le prophète Aïssam, il a dit, Inna Allah yuhibbu. Allah Azzawajal, il aime quand un de ses serviteurs accomplit une action, peu importe l'action. As-salah, ou bien le travail. An yutqina, qu'il la fasse bien. Et on a parlé ici dans le verset coranique de al-itqan et ici, al-ikmal. Donc, bi-idnillah Azzawajal, il faut qu'on se remette en question. Quand on s'engage, on assume. Quand on fait un travail, on le fait bien. Quand on a commencé, on va jusque la fin et on travaille de la meilleure des façons. Vous allez voir des gens maintenant, ici, ils essayent même, wallah al-adim, que ça existe hein, chez des musulmans, wallah al-adim, que quand ils travaillent, et j'ai eu des échos sur ça pour vous dire qu'il n'y a pas que du mal, wal-iyadu billah, dans la communauté, pas du tout. Ici, des musulmans qui, ils disaient à leur patron, non, je finis ma journée que quand je terminerai mon travail. Et même si tu me payes pas, c'est pas grave. Et j'ai eu des échos, il y a des frères qui me racontaient ça, ils me disent, moi je suis comme ça, parce que quand je commence un travail, je suis obligé de le finir. Regardez, subhanallah, il va pas se dire, j'ai fini à 17h, non, il pourrait, mais regardez le degré qu'ils ont. Nous maintenant, c'est carrément, quasiment inimaginable. Quoi? 17h? Allah ma yiddiha ma'aya, Allah il prendra pas un centime avec moi, une minute. Mais lui, c'est dans ses mœurs. Et il y a des frères qui m'ont déjà dit ça, alhamdulillah. Et ils me disent, Allah, moi je suis obligé de terminer. Et quand tu vas le voir dans le din, dans l'ibadat, dans ses engagements, il est comme ça. Et à d'autres personnes, non. Ils aiment les vacances, ils aiment se reposer, mais ils aiment pas compléter leur travail, ou alors travailler comme il se doit. Il y a certaines personnes, ils vont passer 2 mois de vacances, et avant de partir en vacances, il faut 2 semaines de préparation. Pas pour aller en vacances, il faut 2 semaines de préparation. En revenant de vacances, il faut 2 semaines de récupération. Et après, il dit, bon, je reprends le travail que j'avais commencé. Ajib. C'est comme ça qu'on va avancer. Le musulman, il doit être toujours sur ses gardes. Toujours se préparer à rencontrer Allah. Vacances, pas vacances. Voyage, pas voyage. Le vrai voyage et le grand voyage, c'est après le maut. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et je termine ici. Quand il revenait de voyage, qu'est-ce qu'il faisait? Ya Allah. Et il rentrait chez lui et il se posait. Et il disait, bon, les choses que j'ai, les responsabilités que j'ai à la mosquée, par exemple, autre. Ah non, ce que je vais faire, je vais d'abord rentrer chez moi, je vais de wosh, je vais manger, je vais me reposer, après je suis arrivé à l'Asr. Attends, l'Asr, je suis fatigué, j'ai fait 2 heures de voiture ou 5 heures de voiture, il faut que je reste à l'Maghrib, à l'Isha, à Subh demain, je suis excusé, j'étais fatigué la veille, je viens pas à la mosquée, à Dhuhr, peut-être je vais aller au pire à l'Asr. Quand il revenait de voyage, c'est quoi la sunnah, quand tu reviens de voyage? La première des choses à faire, d'accord, à part Mohamed, la première des choses à faire, quand tu reviens de voyage, c'est quoi la sunnah? C'est Rak'atan, c'est 2 unités de prière. Où ça? À la mosquée. Le prophète, alayhi salam, dès qu'il rentrait de voyage, la première des choses qu'il faisait quand il rentrait de voyage, il allait pas, et c'était les voyages à l'époque, c'est pas nos voyages maintenant. Maintenant, nous, c'est de la rigolade. Vous allez voir les gens maintenant pour voir le degré quand on parle de discipline, de sabr, de comportement. Les gens, ils veulent la victoire. Le djihad des faibles. C'est quoi le djihad des faibles? Al-Hajj. Va voir les faibles al-Hajj. Et tu vas rigoler. Je veux dire, ahna, on parle de, je sais pas quoi. Le djihad, le prophète l'a appelé Hajj, le djihad des faibles. Le djihad des faibles, Mskin, il a fait 2 heures ou 4 heures d'avion, et tu le vois, il explose. Il est même pas arrivé à Mekka ou à Medina. J'en ai marre, je fais une pétition, je porte plainte, je peux pas se barrer. T'as fait quoi, ya Abdallah? T'as fait quoi, ya Matallah? T'as se barré pendant 4 heures dans un aéroport, t'es en train de devenir folle? Alors que le prophète de Mekka à Medina, c'était des jours, sous le soleil, à d'autres chameaux. Et nous, on est en train de dire, oui, le voyage du prophète, ce n'était pas notre voyage. Et avec cela, le prophète faisait des jours de voyage. Première des choses quand il arrivait chez lui, c'était quoi? Il allait à la mosquée, il faisait 2 unités de prière, et ensuite, ça veut dire il allait à la mosquée, vous voyez ce qui se passait aussi. Ensuite, il allait chez lui. Al-umma awwalan, sa alaqa avec Allah Azza wa Jal awwalan, thumma, ensuite, sa propre personne. Alayhi salatu wassalam. Et où on est par rapport à la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.